BLE Radio. BLE. Plus proche des Lorrains, BLE Radio. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Check ça bien. T'as vu? Et bonsoir à tous, vous adorez ce jingle. Ouais, il est formidable. Bonsoir à tous, bienvenue sur Game Trip FM, la nouvelle émission spécialement et uniquement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio la plus proche des Lorrains. La rédaction de GameTrip.net et nos invités vont décrypter chaque semaine l'actu des jeux vidéo, évidemment, mais également le meilleur du rétro gaming, car Game Trip c'est avant tout la référence des jeux vidéo depuis 11 ans sur Internet. Préparez-vous à embarquer avec nous dans le monde des petits et des gros bits et à faire un voyage dans le temps qui pourrait vous amener jusque dans les années 1970. Il est facétieux. Ah là là, à mes côtés aujourd'hui, j'ai Jay, l'ex-Luthor des jeux vidéo, qui va débriefer avec nous aujourd'hui l'actu écoulée ces derniers jours et le gros événement cette année. Bah cette année non, ces dernières semaines même. Ces dernières semaines, oui. Voilà, c'est la Gamescom qui s'est terminée donc il y a 2 semaines. Salut Jérém. Bonsoir. En un mot, la Gamescom c'est cette année, t'as suivi un peu? J'ai suivi forcément parce que c'est un petit peu mon boulot, il paraît. Oui. Et pas mal de nouvelles choses et bah on en parle juste après de toute façon. Exactement. Et aussi pour cette première, j'accueille Ben qui a mis son plus beau casque en fonte et ses lunettes thermiques pour nous raconter ses péripéties vidéoludiques dans son histoire au coin du feu qu'on écoutera tout à l'heure. Salut Ben. Oui, salut, bonne année. Bonne année. Aujourd'hui, je sens que t'es un peu d'humeur maussade. De quoi on va parler dans ta petite chronique? Alors, on va parler d'une péripétie vidéoludique qui m'est arrivée en jouant à Fallout New Vegas il y a quelques années. Ouh là là. Oh, j'en ai encore la goutte au front. C'est pas... On en parlera à midi. Au menu de l'émission, notre test de la semaine aussi, ce sera dans 25 minutes. Ce sera un test rétro pour cette première. Les éditeurs n'ayant pas sorti de bons jeux à tendance rétro ces derniers jours. Hein. Donc on parlera de Zombies Ate My Neighbors, un jeu pas si connu de LucasArts. On vous dira si LucasArts justement a réussi à faire des bons jeux autres que ses célèbres point and click d'aventure. À midi 10, on parlera oldies et rétro gaming évidemment avec l'actu des derniers jours et notamment un remake 3D très attendu qui débarquera en février. Un indice, Seiken Densetsu, voilà, ouvrez Babelfish et vous trouverez tout à l'heure. Juste après, on vous fera découvrir une musique de jeu chaque semaine vers midi et quart. Et aujourd'hui, ce sera celle de Tetris que tout le monde connaît. Mais est-ce que vous connaissez son origine? On va vous expliquer. Et enfin, à 12h20, notre débat tous ensemble chaque semaine. Et aujourd'hui, ce sera les bars e-sport. Alors, vous le savez peut-être, mais ça commence à s'implanter dans les villes de France. Ça vient des États-Unis. Et à Metz, un projet vient d'être lancé. Il a obtenu son financement participatif. Et bien, on sera en direct avec Kevin Carmini, le cofondateur de Level Up. Si vous aussi, vous souhaitez participer au débat, nous donner votre avis sur les bars e-sport, si vous en avez déjà fréquenté ou si vous voulez poser des questions à Kevin, laissez un message sur Twitter avec le hashtag GTFM, le hashtag BLE Radio. Sinon, vous pouvez aussi nous venir sur nos pages Facebook, BLE Radio Officiel ou GameTrip.net pour commenter. Et puis, vous envoyez aussi, si vous voulez, un SMS à Ben. Son numéro, c'est le 06 23 12 12. En attendant, oh, t'as eu peur. Hein. Exactement. En attendant, on va parler de l'actu avec les news de la semaine qui ont retenu notre attention. Et on va commencer avec toi, Jérém. Radio. Ok, on parlait justement de la Gamescom il y a 2 minutes. En fait, comme vous le savez sûrement, ça avait été annoncé au niveau de l'E3 pendant la conférence Microsoft. C'est le nouveau jeu Dragon Ball Z, donc qui va s'appeler Dragon Ball Fighter Z. Mmh. Et effectivement, il y a eu la possibilité pendant la Gamescom de tester ce jeu. J'ai effectivement des collègues qui l'ont testé. Ils ont pu tester la version Versus, justement. Ils ont aussi pu apercevoir le mode histoire. Donc le principe, c'est ça va complètement changer. Vous allez pouvoir faire des 3 contre 3. Donc bien sûr, 3 joueurs physiques contre 3 joueurs physiques. C'est cool, ça. Pour l'instant, les personnages sont au nombre de 8 ou 9. Donc vous avez Sangoku, Sangohan, Vegeta, Cell, Freezer, Buu. La base. Voilà, la base. La deuxième base, c'est les cyborgs. Mmh. Et vous avez les éternels persos un peu useless, Yamcha, Krillin, qui sont là pour en prendre plein la tronche. Et vous avez les versions, pour l'instant, un peu moins connues, mais de Blue Saiyan, de Sangoku et Vegeta. Ouais. Donc ça promet vraiment d'en mettre plein la tronche niveau graphique. Ça va être de la 2D et demi, c'est entre la 2D et la 3D, comme vous l'avez compris. Donc vous aurez des persos et vos collègues en arrière-plan qui prendront part à des coups spéciaux, à des combinaisons, à des combos et tout ça. Et vraiment, c'est très très prometteur. Donc ouais. Il sort en février 2018 Et donc là, le jeu est en bêta fermée actuellement. Donc c'est des séquences de 3 heures. Il laisse des séquences de 3 heures toutes les semaines quasiment. Mmh. Et les places sont vraiment très très chères. Donc c'est possible de vous inscrire encore. Et vous trouverez toutes les infos sur le net sans souci. Bah, ça a l'air vachement bien parce que la dernière fois qu'on avait joué un bon jeu comme ça en cel shading et en 2,5D, c'était les Budokai Tenkaichi et ça date un peu maintenant. Donc, ouais, les derniers opus ont été un petit peu mauvais, clairement. Pas les meilleurs. Alors ce ne sera pas que beau en fait. Parce que ce sera aussi jouable. Les premiers, est-ce que ce sera aussi jouable parce que ça a l'air d'être un super. On prend plein la tête quand on voit les images. Les images, mais est-ce que. Ça on verra, on essaiera de le tester pour en parler. Ça sera donc c'est y a une date de sortie, oui. Ouais, février 2018, ouais. Ok. Bah moi, je vais commencer avec une bien triste mort, hein, celle de la Xbox One. RIP, petit ange, comme on dit. Microsoft l'a confirmé lors de la Gamescom aussi. D'habitude, on annonce les bonnes nouvelles, mais là non. Bah, c'était pressenti en même temps. Microsoft a mis un terme au tout premier modèle de la Xbox One qui n'est plus produit. Bon, on pleurait pas trop non plus parce que la console en fait en soi elle n'est pas morte, hein, évidemment. On parle de la version fat, la grosse Bertha toute noire qu'on avait. La version fat, j'ai jamais entendu cette expression. Bah, ouais, la version slim existe. C'est ça, la découverte. On l'avait découvert en France en 2013. Bah moi je l'ai eu que cette année de toute façon, donc voilà. Mais tu viens de dire que ma console est grosse en fait. C'est bah, ça si oui, il y a pas que ça. Tout ça pour laisser la place donc maintenant à la Xbox One S, hein, la remplaçante. C'est un peu à l'image de la PS2 justement. Tu disais les slim et tout ça à l'époque. Et ceux qui veulent de toute façon ne pas trop pleurer peuvent acheter la Xbox One S qui sera en 4K il me semble. Et ça voilà. voilà, c'est ça nous donne envie. Non mais ouais, voilà, on va pas être trop triste non plus. Ben justement, vu que tu te fous de ma gueule, est-ce que tu as une info? Ah non. Ok. C'est ça. Ouais, alors news, alors tout à fait. À la Gamescom, on a eu un petit peu un aperçu de Call of Cthulhu, qui est un jeu donc qui est prévu pour la fin de l'année, qui est inspiré, comme vous l'avez peut-être deviné, de l'univers de H.P. Lovecraft. Excellent univers. Excellent univers, très très assez dark et très très prenant. Les personnages rôdent toujours aux abords de la folie. Et justement, dans ce jeu, alors qui est plutôt une adaptation du jeu de rôle du même nom sorti en 1981, on sait maintenant qu'on incarnera donc un détective privé qui débarque sur une île où est morte une petite fille dans l'incendie d'une grande demeure. Et évidemment, des choses étranges commencent à arriver tout de suite. Hein. On est vraiment dans un univers qui a l'air très très prenant, graphiquement déjà, parce qu'on a surtout des images. Voilà, c'est en tout cas, il y a hallucination au menu et tout ce qui s'en suit. Et donc, on a une barre de folie qui monte plus ou moins selon ce qu'on fait comme enquête, selon les indices, les endroits qu'on explore, etc. Et on peut donc avoir de plus en plus d'hallucinations, mais on peut tout de même continuer à jouer et finir tout à fait le jeu en étant complètement taré. Voilà, c'est super prometteur. Moi, j'adore cet univers, donc j'attends avec impatience de savoir un peu plus. Et c'est du typique Lovecraft, ça va être un super jeu, je pense. Jérémy. Alors, on va sortir de la Gamescom et on va revenir à ce qui s'est passé vraiment cette semaine. Pour les amateurs, ils attendaient ça clairement avec impatience. Donc, ce 6 septembre, donc c'était il y a 3 jours maintenant, Destiny 2 est enfin sorti sur console, enfin sur Xbox One et PS4. Par contre, donc les joueurs PC devront attendre jusqu'au 24 octobre, donc ce qui fait quand même une sacrée différence. Donc, ceux qui se souviennent du premier Destiny et qui ont joué, c'est clairement plutôt un Destiny 1.5. Alors il y a une grosse évolution, l'équipe des devs a vraiment bossé sur les soucis, on va dire, qui étaient reprochés au niveau du 1. Mais pour les novices dont je fais partie, c'est vraiment un très bon jeu, vous allez en prendre plein la tronche. Niveau du scénar, le scénar est relativement pauvre, on va pas se mentir, c'est juste la suite logique du 1. Et vous aurez accès aux 3 mêmes classes. Donc c'est un MMO FPS, c'est relativement rare comme jeu, donc n'hésitez pas vraiment à tester. Et si vous avez le choix entre la PS4 et la Xbox, sachez que la PS4 aura des petites exclusivités, je vais y arriver. C'est compliqué à dire. Au niveau skin et tout ça, des persos peut-être un petit peu différents. Et la Xbox One vous donnera sûrement la possibilité de jouer avec le clavier et la souris. Donc ce qui peut vraiment aider... Dans un jeu de ce type. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Moi, je vais faire une petite news sur FIFA 18. Je sais que vous l'adorez. Des trailers et des infos qui n'ont pas arrêté, hein, depuis l'été. On en a vu partout. C'est la tête de pont d'IA chaque année. forcément, on n'a pas arrêté d'en parler. En deux mots, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus hollywoodien dans la création. Il y a des modélisations magnifiques, des tatouages sur les joueurs, le face design, des veines saillantes, des sueurs perlantes, le nez qui coule lors des matchs d'hiver, le petit souffle qui sort de la bouche quand il court. Enfin, c'est parfait à chaque fois. Le truc vraiment intéressant et nouveau, mais qui ne changera fondamentalement rien du tout, c'est le mode carrière et les transferts. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Premier truc, il y aura une espèce de roleplay maintenant autour de la carrière avec une version gestion de joueurs, de l'argent, de la clause libératoire. Il faudra aller discuter avec le représentant du club, l'agent du joueur. On arrive sur un mode quasi Mass Effect où il y aura une roue où il faudra négocier. Carrément, et tout. Un mode Mass Effect. Non. Bah, en même temps, tout ça, c'est basé maintenant sur le nouveau moteur d'EA qui est le moteur Frostbite. Avant, c'était le Limit Engine. Maintenant, c'est Frostbite et ça a été créé par DICE pour Need for Speed, Battlefield 1, Star Wars Battlefront. Donc là, on n'est plus sur un jeu de foot, on devient vraiment sur un monde à part entière d'Electronic Arts. Et ça permettra d'ajouter un peu de roleplay dans le jeu avec des animations sur les transferts, les joueurs du mois, les trophées, les carrières. Et puis, ce qu'on a vu aussi, c'est le retour d'Alex Hunter dans le mode histoire justement. Alors on le retrouve dans le club où vous l'avez envoyé la semaine dernière, donc c'est le mode histoire, c'est un espèce de mode roleplay justement où vous jouez un personnage, sa vie, tout ça, et apparemment maintenant il y aura une histoire avec sa mère qui devient son agent, des histoires de cul, c'est Kylian Mbappé en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est basé à la base, c'était basé sur Anthony Martial l'année dernière. Grosse bagnole et tout, et exactement. Il fait la ligne de fond. Et apparemment, selon les vidéos, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a même des histoires de cul qui vont venir parasiter un petit peu sa carrière. Ah, c'est GTA en fait, c'est un peu. Fou, ah, c'est devenu vraiment un jeu à part entière. Pour le reste, honnêtement, on s'en tape, hein, parce que chaque année, si on choisit FIFA ou enfin si on choisit plutôt FIFA que PES, c'est pour les licences et la beauté du machin, mais ça bouge jamais. Perso, je crois pas forcément en toutes les annonces sur les nouveaux gestes techniques et l'IA qui a été rehaussée comme chaque année. Oui, mais bon, on verra ça. Fois, ouais, puis, bon, on dit ça à chaque fois et c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, ça sort le 29 septembre et on le testera dans GTFM le 30 septembre. Donc la prochaine. Ah, peut-être un nouveau public pour ce jeu, quoi. Hein, oui. On verra ça sans doute dans deux semaines. On n'a peut-être pas le temps pour une dernière news, on va juste parler très très rapidement. Alors, t'as un truc à dire? Oui, alors j'en ai pour 30 secondes, ouais. C'est pour les amateurs de Total War, donc la licence très connue de jeux de gestion. Il y avait Total War Warhammer qui était sorti il y a maintenant 2-3 ans, et vous aviez accès aux nains, aux contes vampires et à l'Empire justement. Le 2 a été annoncé il y a quelques mois maintenant, et vous aurez donc 4 nouvelles races. Vous aurez les hommes lézards, les hauts elfes, les elfes noirs et a priori les Skaven. Donc si vous avez joué au premier épisode, vous ne serez vraiment pas dépaysé si vous aimez le thème, on va dire, général de Total War. Donc la gestion de toute votre civilisation, vous allez vraiment, vraiment adorer cet opus-là. Et donc qui est prévu pour sortir fin 2017. Ok, parfait. Merci messieurs pour ces news pas très oldies. On va parler des oldies juste après. Et en attendant, on va partir on va pas aller du côté, comme tu aimes dire Ben, des coups de cœur et des coups de gueule de la rédaction. Les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, on va commencer avec toi, Ben. Alors, mon coup de cœur, c'est un jeu dont on a pu, pareil, voir quelques images et qui est prévu pour bientôt, en fait, le 29 septembre, sur PC et Xbox One, qui s'appelle Cuphead. Ah, magnifique, ça. Le studio MDHR de petits Canadiens qui nous ont concocté un jeu de run and gun, mélange de shoot'em up et plateforme, en gros, à la Metal Slug. Dans un univers formidable. J'aime beaucoup les univers. En général, l'univers, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc là, direction artistique vraiment géniale autour d'un monde de cartoon des années 30. Ouais, ça rappelle Steamboat Willie, les vieux Mickey des années 20-30. Ouais. Un des tout premiers dessins animés où Mickey apparaît. Et aussi un peu le boulot du studio Max Fleischer qui a créé Popeye et Betty Boop. Hyper riche, très très diversifié. Bon, c'est animé un peu mieux qu'un dessin animé des années 20. Hein. Ça speed pas mal en fait. C'est assez dynamique et tout. Il y a plein des sprites sont super bien foutus. C'est un coup de cœur. Ok. Bon, on essaiera de le tester dès qu'il sortira. Jérôme. Alors moi, la différence de Ben, ça sera plutôt, vu mon caractère, ça vous étonnera pas trop, c'est plutôt un coup de gueule. Étant, on va dire, dans le monde de l'e-sport, alors c'est relativement décrié par certains et acclamé par d'autres. vous allez pouvoir assister à partir de, d'octobre prochain à une magnifique émission sur C8, donc la chaîne de Cyril Hanouna, notre animateur préféré. Donc vous pourrez assister à une émission le dimanche soir, enfin ou le lundi matin, on va dire à 0h30, animée par la magnifique et intéressante Capucine Anav, donc qui fait partie de son crew, voilà, de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Qui est très qualifié en la matière, visiblement. Oui, c'est effectivement une. J'ai un bac plus 2 en TPMP. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, elle va animer un magazine qui va s'appeler eSports European League. Mm-hmm. Donc, comme vous l'avez compris, ça sera basé sur un jeu de foot. Alors, on a l'habitude des compétitions de FIFA 18. Là, ça va être PES 18, un jeu dont personne n'a jamais vu sur la scène. Mais voilà, ouais. Ça sort de l'espace. On se demande ce qu'ils font. Après, donc, il paraît que c'est une émission relativement engagée, donc je vais m'engager. Je suis. Eh bien, dis donc, monsieur. Vas-y, balance. Se calmer, non, je suis prêt à. Franchement, je suis prêt à parier que l'émission va se planter. Et j'espère, clairement. Il mérite à aucun moment que l'émission fonctionne. Et c'est vraiment juste de l'opportunisme pur d'essayer de surfer sur la vague, on va dire quand même montante de l'e-sport. Ça sent. Et voilà, après je pense qu'il y a forcément des gens, des amateurs qui vont regarder, qui vont se rendre compte que c'est pourri et puis qui retourneront se coucher, quoi. Mais casser l'image comme ça, on va dire aussi facilement d'une notion qui monte plutôt bien, ça me paraît vraiment dommage. Mais bon, on se revoit dans 2 mois pour en reparler. On verra avant de continuer à critiquer, mais je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ce truc-là pour l'instant. Ça a l'air très basé sur le truc un peu comme le foot, comme le foot pro. Enfin voilà, c'est basé sur le fait que ça ramène du pognon. Mmh. Du coup, on va faire une émission à la télé. En plus, n'oublie pas qu'elle a quand même été dans Secret Story. Et les anges, la télé-réalité, ça impose quand même. On va s'arrêter là parce que sinon on va avoir des appels. non, on va continuer avec un dernier coup de gueule. Moi, mon coup de gueule, c'est Mario qui vient de perdre son RSI hein, avec les acteurs porno. Il était encore le dernier représentant dans les médias de la profession. Et ben, figurez-vous qu'à force de, le foutre partout, Mario, même dans Mario et les lapins crétins d'Ubisoft, c'est dire. Ben, la star de Nintendo a officiellement perdu son emploi. Il n'est plus un plombier dans les descriptifs de la marque. Maintenant, il est, allez, devinez en quoi il est défini sur le site de... Maçon. Non. Un truc moins c'est... Eh ben ouais, maintenant, c'est un sportif accompli. Il fait du golf, il fait du foot, il fait du kart, il fait du baseball. Mais non, il est gros, il a une Et voilà, il est victime de la hype qui aura débuté avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et ben voilà, désormais comme un vulgaire Usain Bolt à moustache. 32 ans après sa création, le voilà donc à la retraite de sa vocation d'artisan indépendant. Macron démission... Pardon, excusez-moi, je m'emporte. Et on va peut-être avoir des appels avec pour le ça. Avec le blé qu'il ramasse, il pouvait plus être plombier, quoi. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. C'est un coup de gueule. On va essayer de se détendre. Moi, je vais essayer de me calmer un petit peu en écoutant une chanson. Ça s'appelle The Drum de The Siege. Ça va faire un carton parce que c'est dans le trailer de FIFA 18. Et c'est sur BLE Radio déjà. On se retrouve juste après. N'oubliez pas, hashtag GTFM, GTBLE Radio pour nous parler sur Twitter. Et on se retrouve après pour parler du test de la semaine. Test. Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choices. When I lay down to go to sleep, I keep on hearing voices. Little whispers in my head, man, is you fake a lawyer? Why no water, death to sign a baby, pick your poison. These little demons living underneath my bed, creeping. Know the real, my soul lives above them all, sleeping. That subtle breathing in your closet every single evening. Thought you'd never see me again, looks can be deceiving. When they hear the sound of the drum, they'll be saying, oh Lord, here they come. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come. I used to think that people die because they wicked. Nowadays, people wanna see you dead because you gifted. Been ready for my tomb since I came up out the womb. So no matter what, I'm coming back and paying you a visit. Saw it coming, I predicted. But y'all wouldn't listen. No, you can't protect your riches if you never burn bridges. Flip pages, went places, made changes. Still dangerous, now I'm back. Altercation, hold still, I make it painless. How it feel, baby? When you say you love me, is it real, baby? Full speed, both hands on the wheel, baby. Young Taz coming from the mobile, baby. You know the drill, baby. Yeah. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Yeah, here we come. BLE Radio, BLE, votre radio de proximité. Nous sommes de retour sur BLE Radio pour écouter l'ami Ben qui va nous parler du test de la semaine. Et cette semaine, on va parler d'un jeu oldies du coup, puisqu'il s'agit de Zombies Ate My Neighbors. On écoute un petit peu. Ah, la petite musique du niveau 1 de Zombies Ate My Neighbors, qui s'appelle en fait Zombies en France, puisqu'elle était censurée, parce que c'était extrêmement violent, les zombies ont mangé mes voisins. Bah, oui. Oh là là, les enfants allaient manger leurs voisins probablement. C'était en quelle année? En 1993, juillet précisément, les enfants étaient complètement fous, donc il fallait faire des plaintes, il y a eu des appels nombreux. C'est LucasArts qui a développé ce jeu. Konami qui l'a édité, et donc c'est un hit and run qui a pas mal marqué le genre, hein, je pense, parce que c'était vachement bien. Et le but c'était de. Mais non, mais le pire, c'est qu'il est pas très connu, je trouve. Ben ouais, il est un peu connu des. Comme The Fireman, dont on avait déjà parlé aussi entre nous, qui est un hit and run aussi. Il gagne effectivement à être connu. Oui. Il est connu des fans de Nintendo, on va dire. Donc l'objectif de ce jeu, c'est simple, il faut sauver ses voisins suite à une invasion de zombies. On incarne deux gamins, Zeke et Julie, au choix donc, qui sont armés de leur pistolet à eau bénite pour dézinguer du zombie. Mais on va vite voir qu'il n'y a pas que des zombies qui ont envahi le monde. Il y a Cyril Hanouna aussi à la télé. Cyril Hanouna, des Cyril Hanouna géants. Le monde, c'est une petite banlieue résidentielle américaine qui est caricaturée avec ses voisins, le gros qui flotte dans sa chambre à air de camion dans la piscine, l'institutrice moche, il y a les gros touristes avec leurs appareils photo, etc. Donc c'est il y a beaucoup d'humour dans ce jeu, hein, c'est clair. Du LucasArts, hein. C'est que ça en fait, ça reprend plein de références des films d'horreur. Donc je disais qu'il y avait pas que des zombies, il y a Jason avec des tronçonneuses. D'ailleurs les tronçonneuses dans la version américaine ont été transformées en haches. Parce qu'apparemment c'était plus violent une tronçonneuse qu'une hache. Donc, j'ai jamais comparé moi de prendre un coup de tronçonneuse ou un coup de hache, je ne sais pas ce qui a fait le plus mal. Eh bien nous testerons la semaine prochaine. Là c'est ça. Il y a des créatures du lagon, il y a des vers géants, des bébés géants, des extraterrestres, des poupées de Chucky, des momies dans des environnements divers et variés, des pyramides, des châteaux, des supermarchés, plein d'armes. Ça partait bien, c'est des pyramides, des châteaux, des maisons hantées, des supermarchés. C'est ça. Mais c'est super, c'est hyper coloré. Les graphismes donc ont vraiment une patte inimitable avec des sprites qui sont un peu grossiers mais ils sont stylés, on voit tout de suite les Chucky, on les reconnaît tout de suite par exemple, donc ça c'est l'essentiel. Et puis on a aussi des usines de jouets, des bords de mer, donc un univers complet bourré de références aux séries Z et aux ciné d'horreur comme il y a marqué sur ma fiche, comme était écrit au dos de la jaquette. C'est ça. Niveau son, vous l'entendez, musique simple mais entraînante. C'est assez foufou, assez délirant dans le ton parodique du jeu, avec des petits bruitages fun, des bruitages qui font un peu mal aux oreilles des fois, mais ça va. Le gameplay est un peu raide, dans le sens où je crois qu'on peut pas marcher en diagonale par exemple, et des fois, comme le jeu est assez dur, on est coursé par une foule de bestioles, ça arrive un peu dans tous les sens. Et c'est difficile de se barrer rapidement, ramasser les nombreuses armes et items aussi, c'est pas facile, faut vraiment passer direct dessus. Sur l'échelle d'un Tintin au Tibet, tu le mets à combien? Non, ça va, on est quand même pas là. Il faut, on a des petites surprises comme ça. De plus, petit problème de hitbox donc, et l'inventaire, à cause de la richesse des armes et des objets. Avec la manette, c'est difficile, il faut fouiller, il faut faire défiler en fait tout son inventaire comme un fou alors qu'on se fait attaquer, c'est pas évident. Il s'arrête pas alors, parce que la particularité de Resident Evil, c'était que ça s'arrêtait pas quand t'allais dans ton inventaire. Oui, tu vois. Ah oui, puis tu voyais plus rien et t'entendais, et tu te faisais bouffer. Il y a une super vidéo sur YouTube, je sais pas si vous avez vu, qui tourne en ce moment, où tu vois vraiment ce que ça ferait si ça se passait vraiment dans la vie. Donc tu vois les zombies qui sont en train d'attaquer un mec, et un mec qui fait « Attends !» Et puis il regarde dans sa poche, il fouille des trucs et tout. T'as les zombies qui sont en train d'attendre autour en se disant bah non, il est dans son inventaire, on peut pas l'attaquer. Mais c'est beaucoup plus réaliste, mais c'est, ouais. C'est très dur en fait. Donc je pense que la plupart des développeurs ils ont viré ce truc là parce que les gens sont devenus. Ouais, moins les gens deviennent fous, les gens deviennent dingues quoi. Alors que là, justement en parlant de difficultés sur zombies, c'est assez corsé comme je le disais, hein, mais c'est pas grave de recommencer les niveaux parce que c'est tellement plaisant que finalement. On y revient sans peine. Il y a 55 niveaux d'ailleurs. Ouais, super riche. Puis ils sont assez variés. Il y a des mots de passe hein, pour pouvoir recommencer. Donc on se dit c'est bon, il y a des mots de passe tous les 5 niveaux, un truc comme ça. Mais le problème c'est que tu reviens avec ton inventaire à zéro. Et quand t'es au niveau 40, qui est hyper dur, t'arrives avec juste ton pistolet, ton arme de base. C'est juste limite infaisable. Donc, et t'as un mot de passe avec 60 caractères, des chiffres, des lettres. Non, c'est des petits mots de passe. À l'heure actuelle, maintenant, si on joue sur un émulateur ou quoi, oui. Les mots de passe, on les chope sur. Tu peux sauvegarder l'état quand tu veux oui, sur un émulateur. Oui, sur un émulateur. C'est vrai, donc t'as plus trop besoin de. Mais à l'époque, de ça. Mais à l'époque, on n'était pas là. Les jeux étaient durs. Les jeux étaient plus durs qu'aujourd'hui. Faut vivre avec son temps, jeune homme. Voilà, donc zombies. Mais moi, tu sais, j'ai lancé Game Trip, alors c'est bien la preuve que. Ouais, assez méconnu comme jeu, comme tu le disais, John, qui gagne vraiment à être connu. Puis c'est un des meilleurs titres pour moi sur Super Nintendo. Puis c'est un petit peu décalé par rapport à. On disait toujours dit que la Super NES c'était hyper bon enfant, puis c'était pas qu'on n'ait pas trop de risques sur les jeux. Voilà, c'est un poil trash, super drôle. Voilà. Non seulement c'est pas très connu, mais en plus, moi ce qui m'avait étonné le plus, c'est de me rendre compte que c'était LucasArts qui était à l'origine de ça. Parce que pour moi, LucasArts, c'est vraiment. Moi, c'est tous les jeux que je préfère, toute ma jeunesse, c'est les Point and Click, c'est les. Monkey Island, Maniac Mansion, Day of Tentacle, enfin tout ça. Et, Sam et Max. Et de savoir. Baphomet, ça aussi, non, non, non. Revolution Software, je crois. Ça date d'il y a un peu moins longtemps quand même. Mais mais du coup, découvrir qu'ils avaient fait des jeux comme ça. Je m'en rappelais même plus, tu vois. Bah, je sais pas, ils sont peut-être tombés sur. Ils se sont dit, c'est pas dans notre secteur, mais il est tellement cool que on va le prendre. Ouais, puis il est resté culte, quoi, quand même, dans le sens où pas connu du grand public, mais la communauté le connaît, quoi. D'accord. La communauté de l'anneau. Très bien. Bah, merci pour ce test de la semaine. Moi, je voulais vite fait parler. On en avait parlé dans une émission qui n'a pas été diffusée parce qu'on vous raconte tout hein, les coulisses. On a fait une émission juste avant qui n'a pas été diffusée pour se tester. Et du coup, j'avais parlé de Thimbleweed Park qui est sorti. Alors pour le coup, là, il est sorti il y a quelques mois déjà, avril-mai peut-être. Et c'est un super jeu qui revient vraiment dans l'ambiance, la tendance du point and click de l'époque. C'est fait par Ron Gilbert qui est le papa de Maniac. De Monkey Island et de Maniac Mansion, il me semble. Et il a refait exactement un jeu comme si c'était la suite. Et c'est même pas un hommage, c'est vraiment la suite de ce genre de jeu. Et c'est vraiment magnifique à trouver sur PC. Il me semble que ça vient de sortir ou ça va sortir également sur certaines consoles, dont il me semble la PlayStation 4, mais je ne suis pas sûr. En même temps, vous avez Google juste sous les yeux, donc vous pouvez aller regarder. Chaque semaine, à la même heure, Ben va nous parler aussi de ce qui se passe dans sa petite tête quand il pense aux jeux vidéo. Et bah, c'est toujours pas toujours très bien rangé là-dedans, d'ailleurs. Surtout quand il se passe des vilaines choses qui le tracassent. Ça va être dans quelques secondes la chronique de Ben. L'histoire au coin du feu de Benjamin. Et ça les fait rire. Ah mais c'est génial. Et cette musique derrière, elle vient de Day of Tentacle. Voilà. Oh là là, le lien, le mec fait la connexion avec tout ce qui se passe. C'est tellement bien fait cette émission. Ah, c'est un métier. Hein. Oh, on dirait pas. Je suis ému d'avoir mon propre jingle. Petits oiseaux, ça m'apaise un peu. Voilà. Donc, explique-nous ce qui s'est passé ce week-end. Tout vous dire, c'était très dur. Donc j'ai choisi de vous conter une de mes aventures qui m'est arrivée en jouant à Fallout New Vegas, RPG post-apocalyptique, développé par Obsidian et sorti en 2010. C'est une de mes aventures telles qu'on peut les entendre dans les bouches du strip de New Vegas ou au coin d'une ruelle de Freeside, tandis que l'on partage pépouze une seringue de jet. C'était une journée comme les autres dans les terres dévastées du Mojave. Je venais d'achever une quête dans une grotte paumée où un vieux m'avait attribué une belle armure pour la peine. C'est là que l'histoire se transforme en récit digne des aventures de Perceval pendant la quête du Graal. Pas celle de Chrétien III, hein, celle d'Alexandre Astier. Donc en sortant de la dite grotte, voilà que je tombe sur un autre vieux qui m'offre une autre armure bien balèze, celle-ci aussi. Alors vous allez me dire, c'est formidable. Mais formidable. Il faut savoir. Voilà, j'avais fait bien. Il avait l'air mystérieux, hein. Le vieux, on est d'accord. Oui, il était mystérieux, il était irradié, quoi, déjà. Donc c'était oui. Fallout, donc plein de sale gueule. Et voilà, alors c'est super, on a des super armures, mais il faut savoir, avant d'aller plus loin, que j'ai une fâcheuse tendance à me surcharger un poil d'équipement, et comme chacun sait, la gestion de l'inventaire est primordiale dans Fallout. Notamment parce que lorsqu'on est surchargé, on marche à 2 à l'heure, mais vraiment à 2 à l'heure. C'est pas possible de marcher aussi lentement dans la vraie vie, on peut pas. Et le déplacement rapide, ben on oublie, hein, on peut pas aller se délester du surplus d'inventaire dans un abri. Mais impensable pour moi d'abandonner ne serait-ce qu'un chouillet d'équipement. Évidemment, je me trouve à des lieux de la moindre ville et du moindre abri connu, là où même le moignon d'une goule luminescente n'avait jamais posé le pied. Je repère sur ma carte le refuge le plus proche, où se trouvera un coffre où je pourrai stocker quelques affaires, bien safe, et commence alors une longue marche, mes amis. Je ne saurais dire combien de temps, mais je sais que quand je suis parti, il faisait jour, puis la nuit est tombée, le soleil s'est levé, et lorsque j'approchais de mon objectif, le crépuscule envahissait à nouveau le désert et découpait sur la roche brûlante la silhouette d'un homme en calbut. Car oui, dans Fallout, ôter son équipement et le ranger dans son sac vous déleste de son poids, ce qui n'a aucune logique, et vous avancez donc légèrement plus vite. C'est pratique de se promener en caleçon, sauf quand on est dans Fallout New Vegas, finalement, et qu'on peut tomber sur un écorcheur. 2,20 m de muscles et de griffes, nullement impressionné par votre gros paquet. C'est celui qu'on a sur le dos. Hein, oui. Évidemment. Et j'arrive donc à proximité de la cache, en marchant un peu, vous ne me voyez pas, mais vous voyez que si je fais... Non, te voit. Et... Voilà, c'est impressionnant. C'est pas beau à voir. Tous ces muscles saillants. C'est ça. Je fais la chronique torse nu. Et donc j'arrive. Il fait très chaud en même temps dans le studio. Ah, il fait chaud dans le studio. Et j'arrive à proximité de ma cache. Je me dis, j'ai passé une demi-journée à marcher à 2 à l'heure dans le jeu. Ma patience allait enfin être récompensée. Mais peut-être, comme chacun le sait, ou peut-être pas, la map de Fallout vous renseigne sur les distances, mais pas sur le relief. Et la cache en question, évidemment, se situait en haut d'une montagne escarpée. J'arrivais à son pied. Je me trouvais face à une paroi abrupte et il fallait choisir contourner par la droite ou par la gauche pour espérer trouver rapidement le chemin vers les sommets. Et évidemment, j'ai dû faire quasiment tout le tour du détestable promontoire rocheux avant de trouver l'accès à la ville cahute qui constituait l'un de mes abris. Le croyais-je, cependant, car dans mon sac à dos bien rempli, nulle trace de la clé que j'ai bien sûr omis d'emporter. La clé, messieurs. La clé. C'est donc une nouvelle marche interminable. C'était pas une chemise, mais c'était un petit peu mou. Voilà, j'attendais que tu la fasses. Voilà. C'est une chemise, mais c'est mou. C'est vrai que c'est mon nom. Et moi, j'étais en caleçon. J'avais un caleçon. Ah. Voilà, j'avais un caleçon. Très et donc, j'ai entamé une autre marche interminable, encore une demi-journée en temps réel, pour retourner jusqu'au Strip et à mon abri du Casino Lucky Thirsty Hate de New Vegas, où je goûtais ensuite un repos bien mérité aux côtés des grosses putes du Gomorrah. La morale de cette pauvre histoire... Dit-il alors que... C'est... que les cloches sonnent. La morale de cette pauvre histoire, c'est que quand tu te retrouves à poil sans tes bottes, il faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Quelle morale. Ouais. Et quel poète. Et quel poète. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci Ben pour cette... Tu mérites d'avoir ton jingle. Cette oui, voilà, tu le méritais vraiment, ce mérité. Jingle. Tu l'as longtemps mérité. Je suis heureux. Et j'espère que la semaine prochaine, tu pourras nous conter d'autres péripéties tout aussi facétieuses. On verra. Peut-être, peut-être la mort de Poutine. C'est un truc qui t'est arrivé ? Ouais, c'est un vrai truc. Ah, mais c'est ton chat, Poutine. Non, c'est pas mon chat. On en parlera la semaine prochaine. Vous verrez. D'accord. En attendant, on va écouter une musique qui va ravir les papilles et les oreilles de nos fidèles auditeurs, puisque c'est une chanson qui est issue de la bande sonore de Tony Hawk Pro Skater 2 à l'époque. Ça s'appelle You the Bad Religion. Et on va se boire un petit verre de Salvetta. There's a place where everyone can be happy. It's the most beautiful place in the whole fucking world. It's made of candy canes and planes and private choo-choo trains and the meanest little boys, most innocent little girls. And you know, I wish that I could go there. It's a road that I have not found. And I wish you the best of luck here. Drop a card or letter to my side of town. 'Cause there's no time for fussing and fighting, my friend. But baby, I'm amazed at the hate that you could send. And you you Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. De retour sur BLE Radio avec cette musique hein, qui, comme je vous l'avais promis, nous rappelle des bons souvenirs. Rock'n'roll, bébé. Ok, tu es jeune, c'est yes, beau. Je fais du skate, des varial flips. Et des ollies dans tous les sens. Tu mets des hoodies. Des back to papa. C'est vieux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein, on va parler d'Oldies peut-être, parce que quand même c'est une émission d'Oldies, ah, donc ce serait bien qu'on en parle. Non ? Ok, non. Bon, on va rentrer. Moi je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans l'actualité, si on peut dire, hein, des Oldies, puisque c'est l'actualité de ce qui s'est passé avant. Et on va commencer avec... Retour vers le futur. C'est un contresens, ce que tu dis. Exactement, exactement. Et du coup, on va parler de Secret of Mana. C'est pas du tout la musique de Secret of Mana. J'adore Secret of Mana. Eh ben, sache, parce que si tu ne le sachais pas encore... Oui. Secret of Mana va avoir un remake 3D en février 2018. C'est la mode en ce moment. Et en fait, Secret Story. Non, bah peut-être aussi, je sais pas. Secret of Mana va avoir donc son remake. C'est un emblème, tu le connais bien, c'est un emblème de JRPG, on peut dire, d'une génération entière. Ça va se refaire on une petite beauté. Dire. Ce sera le 15, ouais, le 15 février 2018. Donc c'est donc le best-seller de Square Enix qui sera relancé en 3D sur PS4, PS Vita et PC. Et ce sera pour une sortie mondiale en Mondovision. Ouais, c'est ça, en Mondovision, en Odorama. En Odorama et en Mondovision. Alors en plus de l'adaptation en 3D des graphismes, évidemment, la musique sera réorchestrée. Donc on va avoir aussi une musique 3D, on va dire. Je crois que c'est par un orchestre, comme d'habitude, hein, ça doit être soit l'orchestre de Prague, soit l'orchestre de Londres, l'orchestre philharmonique de Londres, un truc comme ça. Il n'y aura pas la chorale des mecs qui reprennent les musiques de jeu et qui font là, là, Game of Thrones, c'est tout. Non. Merde. Ouais, ils sont bons aussi. Ils sont très bons. On pourrait leur demander. Donc en plus Lucas Arbogast, on va les inviter. Lucas Arbogast, évidemment. Très, très grand compositeur de musique de film et de jeu. Et alors, donc en plus de la musique et des graphismes, eh bien, vous pourrez de nouveau jouer avec deux amis. Bah, déjà, faut en trouver deux. Hein. faut avoir deux amis. Voilà, déjà. Parce que vous pourrez jouer en local à trois. Alors, je sais pas si ça existait déjà dans le premier Secret of Mana, il me semble. Non, t'avais beau avoir le multipad, le multitap, machin, ouais. Tu pouvais pas, non. Tu peux jouer. Et bah, maintenant, tu pourras jouer avec deux copains, tant et si bien que vous en avez. Donc. Et ça, les précommandes débutent. Ont débuté le 25 août à environ 50 euros et voilà. Donc en gros, pour février 2018, on choisit entre ça et DBZ, enfin le nouveau DBZ. Ou les deux. Ou les deux. C'est pas bon, DBZ est un peu moins JRPG que Secret of Mana. Ouais, c'est des styles très différents quand même. Ah, il y a un mode histoire dans DBZ. Oui. Et dans FIFA aussi. Dans FIFA 2018. Et dans FIFA 2018. Entre FIFA 2018 ou Secret of Mana. Maintenant, il y a trois choix à faire. On ne sait pas. Autre petite news que je vous ai récoltée cette semaine. Évidemment, toutes ces news, vous les retrouverez si après, aussi avant, si dessous sur GameTrip.net. Megaman au cinéma. Oui, c'est un truc qui a été évoqué à plusieurs reprises. C'est le projet d'adaptation cinématographique donc de Megaman qui va se concrétiser enfin. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est incroyable. L'écriture du scénario est officiellement sur les rails. Je rigole parce que c'est... Sur les rails, oui, je pense que c'est les rails qu'ils ont pris, oui. Ouais, carrément. Alors ça... Oui, non, j'ai pas le... c'est... Alors, ce qu'on a appris, donc c'est la rédaction d'un magazine américain, je crois, qui s'appelle Collider, qui nous a appris donc, que Masi Oka, donc c'est l'acteur de Hiro, c'est Hiro Nakamura dans Hiro, si c'est vous vraiment vous lui, alors, voilà. Ouais, d'accord. L'homme qui vole donc c'est aussi le producteur de Death Note, malheureusement. Ah. Et ben c'est lui qui nous a reparlé de l'adaptation de Megaman en film et qui l'a confirmé donc que lui c'était le producteur et que la production avait débuté. Alors concrètement, ce qu'il dit en anglais, je vous le traduis vite fait. Donc c'est oui, on a tout juste commencé le film Megaman. Le réalisateur et le scénariste travaillent actuellement sur le script. Nous sommes sur les premières étapes du projet. Voilà. Et il a assuré également que les réalisateurs ce seraient Henry Joost et Ariel Schulman, qui connaissent bien la saga et qu'ils comptent bien tirer parti de ce format cinématographique différent dans le traitement de l'histoire d'un manga. Voilà. Donc je vais faire un AVC là. Je n'ai rien compris. C'est un jeu. C'est un jeu qui on va réussir à en faire un jeu. Il dit justement en gros que ce Megaman n'est pas fait pour être un jeu, à la limite un manga vu que c'en est un, mais c'est pas. On va avoir du mal à le sérialiser en film, tu vois. Bon, ils ont déjà un scénario, il y a déjà un manga, ils vont adapter le manga en fait plus tard. Je pense que ça va finir comme ça. Alors moi j'ai fait une petite recherche sur Henri Juste justement et Ariel Schulman hein, pour savoir qui était un bon professionnel. Mais tu les connais pas. Qui sont personne ne les connaît. Alors qui sont ces personnes? Eh bien c'est les deux qui sont devenus des femmes là, c'est ça? Non, c'est les Wachowski Street Le film de Matrix. Henri Juste, donc c'est un réalisateur de 35 ans qui a fait Paranormal Activity 3 et 4 et il l'a fait avec Ariel Schulman, son pote. Et puis en 2016, Ariel Schulman qui présente Canal Plus sur le grand journal. Non, c'est pas lui. Et Ariel Schulman, lui, par contre, a fait Nerve en 2016 et Viral la même année avec son pote Henri Juste. C'est incroyable. Donc les quatre ont fait quatre films. Et Nerve, en gros, c'était un thriller qui était pas génial. Et Viral, c'était un film d'horreur dont on a oublié le nom une semaine après. Voilà. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler dans notre grand débat de la fin d'émission de ces adaptations de jeux vidéo au cinéma. L'hype a commencé plus ou moins avec Resident Evil fin des années 90, avec Mila Jovovich, on s'en rappelle. Ça a continué jusqu'à Fassbender, Assassin's Creed et donc Megaman aujourd'hui. Et si vous voulez en parler avec nous la semaine prochaine, et donnez Warcraft. Votre avis. Et Warcraft, il y en a eu tellement. Contactez-nous par message privé sur les pages Facebook GameTrip.net ou BLE Radio officiel ou sur Twitter hashtag GTFM hashtag BLE Radio. On en discute la semaine prochaine si vous voulez participer, même intervenir dans l'émission en direct, n'hésitez pas. Quelques petits mots encore, est-ce qu'on a le temps? Je regarde mes fiches. Oui, on a le temps pour parler de deux expositions. Ça se passe pas dans le coin, mais je vous en parler parce que ça peut être intéressant. Une expo rétro gaming qui s'appelle Live to Play, Play to Live, t'as vu hein. C'est au Centre Culturel François Villon d'Enghien-les-Bains, du mardi 17 octobre au samedi 18 novembre. C'est une exposition avec des salles d'arcade, truc rétro gaming parfait, comme on a l'habitude d'en voir. Et puis une autre date que je vous ai trouvée, c'est ce lundi à Paris, dans le 10e, au Bellucci's Gare du Nord. Alors ça, c'est intéressant, vous allez voir, c'est une conférence dans le cadre de la GameConf, c'est des soirées organisées par la Guilde des Game Entrepreneurs. C'est un genre de masterclass pour les étudiants, les pros et les entrepreneurs. Et cette fois, la thématique, c'est le pixel art, le maîtriser et en vivre, par Théophile Loaec. Et c'est à 19h, c'est sympa parce qu'en fait, on va en discuter donc avec ce fameux Théophile. Et c'est un mec qui a bossé sur The Last Night, c'est un indie qu'on avait vu à l'E3, qui a été plutôt bien accueilli. C'était un hommage en fait aux actions aventures 2D, à la Flashback, à la Another World, donc un univers un peu sombre justement, un peu à la cyberpunk ou Cthulhu, très très cyberpunk, très noir, bien dessiné, voilà, avec des ombres partout. Et on en avait parlé aussi pour un autre truc, c'était pour une polémique, c'est un certain Tim Soret qui avait créé ce jeu, et il a été vite rattrapé par une polémique puisqu'il avait soutenu le mouvement anti-féministe et pro-Trump du Gamergate. Ça lui avait valu quelques machins, mais apparemment ça s'était réglé avec une bière autour d'une bière. Aucun problème. Donc voilà, Osef. Une petite dernière, donc je vais vous reparler de Thimbleweed Park dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, juste pour vous dire qu'il va sortir désormais en version boîte collector, une boîte qui ressemble à celle que j'ai encore de Monkey Island ou de Maniac Mansion, donc les grosses boîtes carrées en carton. C'est un vrai truc de l'époque, c'est forcément, ça complétera l'objet vidéoludique de Ron Gilbert, parce que c'est vraiment un objet vidéoludique, il faut vraiment y jouer au moins une fois dans sa vie. Je vous le rappelle vite fait, tout y est, l'ambiance, l'humour, la patte graphique de LucasArts, c'est pas un hommage, c'est vraiment le retour de l'ambiance LucasArts. Et le jeu est sorti sur PC, donc en début d'année, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il va donc arriver, j'ai regardé, sur PS4. Il vient d'arriver sur PS4 il y a quelques semaines et bientôt il va sortir sur iOS et Android. Évidemment, je ne vous le conseille pas sur ces supports puisque ce ne sont pas des supports. Ce sont des téléphones, évidemment. Ce sera à $40 le jeu en DVD, plus la boîte, plus le manuel, plus une carte touristique pour explorer le pays de Thimbleweed Park, parce que tu dois vachement l'utiliser dans le jeu, plus une édition collector du 13 octobre 87 du Thimbleweed Nickel, donc c'est le journal dans le jeu. Il y a un journal qui s'appelle Thimbleweed Nickel. Il y a du goodies à fond avec le. Il y a du goodies, il y a des stickers bonus. Ouais, pour 30, ouais, 35 voilà. comme ça, c'est pas mal. C'est ça, il y a des stickers bonus en plus. Il y a l'officiel Thimbleweed Park Post-it Note Speck of Dust. Et il y a un floppy disk. Alors je sais pas ce que c'est. Bah, apparemment, un disque mou peut-être. Non, une disquette donc. Ouais, une disquette molle, ouais. Je sais pas ce qu'il y aura dessus, mais bon, une disquette molle. Je sais pas ce qu'il y aura dessus, mais en tout cas, moi, ça me fait bien kiffer. Ouais, et voilà, on en saura plus très prochainement. Et pour si vous voulez continuer à suivre les news oldies, eh bien, on vous invite à aller évidemment sur GameTrip.net, à la référence des jeux vidéo oldies, mention légale. Bien lire la notice dans la limite des stocks disponibles. On va passer à la musique de la semaine peut-être maintenant. Avec un plaisir non dissimulé. Avec un plaisir non dissimulé, évidemment. BLE. BLE. Radio. BLE Radio. BLE, on dit. BLE. La musique de la semaine, et cette semaine on va pas parler de cette musique là puisque ce n'est pas une musique, c'est juste un petit son. On va parler d'une chanson, d'une musique en fait que vous connaissez tous depuis des années, voire des millions d'années. Cette musique. Après 4 heures, c'est du suicide. Exactement. C'est Tetris, tout le monde connaît cette musique. Alors un petit mot sur le jeu déjà, hein. C'est Tetris, c'est l'œuvre d'Alexei Pajitnov, qui est un Ruskov, qui en 84 s'est fait des coucougnettes en or massif doublé de platine, après avoir vendu 170 millions d'exemplaires du jeu. Bon. Poutine, non, du coup, vu que c'est un Ruskov. Bah aussi, oui. Bah, Poutine, je sais même pas s'il était né à l'époque. Si. En fait, c'est pas fait tout de suite 170 millions, hein. Il a fait d'abord 30 millions rien que sur la Game Boy, sans doute l'endroit où vous y avez joué pour la première fois. Et depuis 2005, le jeu a même été téléchargé des millions de fois sur ces supports qui n'existent pas, des centaines de millions de fois même, donc sur téléphone. Mais ce qui l'a rendu célèbre, et ce qui fait que vous avez tous l'image des briques dans la tête quand vous entendez cette musique, c'est bah, cette musique justement, et ça reste un peu comme à la volette, hein, dans Kaamelott, voilà, je vous l'ai mis dans la tête. Parmi les deux ou trois musiques du jeu, on n'a que des classiques en fait. Et cette musique, cette principale musique, c'est Korobeiniki de Nikolai Nekrasov, c'est un ballet russe très connu en fait. C'est donc une musique classique. Alors c'est Nintendo qui a choisi la musique, c'est sûrement un hommage justement à ce fameux Ruskov, et c'est une musique qui date de 1861 et qui est inspirée d'un poème du même nom. Bon, après, là, on l'écoute, ça a été remixé un peu, ça a été refabriqué avec un peu de modernisme, mais concrètement, c'est une musique de ballet russe classique qu'on a mis dans Tetris. Instant culture, sur BLE, c'est la musique et c'est la suite. Et du coup, Korobeiniki, ça a tellement bien marché qu'il y a eu des tas de reprises, dans tous les sens, du métal, de la techno, vous irez voir sur YouTube, la techno, de la dub, ou même des reprises au violon qui sont magnifiques. Et Korobeiniki a même été reprise dans House of Cards et dans le film Snatch et dans d'autres films aussi. Ah bon. Et pour finir, je veux vous faire découvrir une petite perle aussi, cette musique qui s'appelle en fait Type A, si vous vous en souvenez bien, elle a été reprise par un gars qui s'appelle Smooth McGroove, et Smooth McGroove, il a fait ceci. Ah ouais. C'est une version entièrement reprise à la bouche, c'est du pur a cappella. En fait, il se filme, il fait les lignes de basse, de batterie, tout ça, et il met tout ensemble sur une vidéo. Et il fait ça tout à cap, et c'est super bien foutu. Il a une chaîne YouTube où il en fait plein des musiques de films, de jeux vidéo, et donc il s'appelle Smooth McGroove. Vous pouvez retrouver ça évidemment sur YouTube. Et on s'en écoute encore un petit peu, parce que c'est bon cette musique quand même. En fait, lui, il a pas besoin de copains pour jouer, quoi. Exactement. Oui, il est tout seul. Il est tout seul. Il fait ses petites chansons. Allez, tout de suite après Calvin Harris Slide qu'on va écouter tout de suite. On va retrouver Kevin Carmini pour parler du bar e-sport Level Up qui va ouvrir à Metz bientôt. Restez donc avec nous. Et puis on en discutera avec lui. On parlera un petit peu de nos avis nous sur l'e-sport et tout ça. Hein. On se retrouve juste après. C'est Calvin Harris. Ça s'appelle Slide et c'est sur BLE Radio. We couldn't reach it with the arms. on the wrist of Lincoln Chung. Yeah, land was still in Lincoln Park. Like we could die all young. Like we could die all blind. If we could see in 2020, twice we could see it till the end. Put that spotlight on her face. Spotlight. Put that spotlight on her face. We gon' pipe up and turn up. We gon' light up and burn up. Mama too hot like a. Like what? I'm too hot like a furnace. I got 100 G's, I'ma go, y'all. My diamonds gon' shine when the lights dark. You and I take a ride down the boulevard. And your friends really wanna break us apart. Good Lord. Good gracious, hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walking my mansion, 20,000 painting Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond, dancing like Rick Ricardo. She having it with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Try on all your nights like this. I might put some spotlight on the slide. Oh yeah. Whatever comes, comes to clear. Do you slide on all your nights like this? Yeah. Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide. Whatever comes, comes to. BL Radio, plus proche des Lorrains, plus proche des Lorrains. BL Radio. Et de retour cette semaine pour notre débat de la semaine. On reçoit Kevin Carmini, cofondateur du bar eSport Level Up, qui est passé par une campagne de financement participatif cet été et qui a brillamment été fondé, comme on dit, sur les sur un truc de crowdfunding. Je ne sais plus c'était lequel d'ailleurs. Qu'est-ce qui se manque, qu'est-ce manque, ouais. Voilà, avec sa copine Constance, ils ont lancé ce projet dans le secteur messin et ça commence à bien prendre. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Salut. Kevin. Salut. Est-ce que je suppose que tu es content de cette campagne de financement, non? Tu as dépassé l'objectif prévu? Ben écoutez, oui, absolument. On a été, c'était vraiment la grande surprise pour toute l'équipe. À la base, c'était vraiment quelque chose qui a été lancé pour voir si le projet suscitait vraiment de l'intérêt. Et voilà, du coup, ça, c'était vraiment une belle réussite pour une campagne financée à 110% d'ailleurs. Et voilà, nous, on est super heureux. On va fournir encore plus de contenu que prévu, donc c'est parfait. Alors explique-nous, d'où est venue cette idée, pourquoi ce projet? Alors pourquoi ce projet? C'est né vraiment d'un simple constat, parce que donc, nous on est un peu dans le monde geek, disons. Voilà, moi par exemple depuis mon plus jeune âge je joue aux jeux vidéo, donc là je suis un passionné. Donc ce projet est né car j'ai aussi une formation en restauration, donc c'est quelque chose que je voulais faire, je voulais déjà fonder une entreprise dans la restauration. Et là du coup, après Metz Souris qui s'est déroulé à Metz, donc... c'était la première édition qui a réuni en deux jours 13 000 personnes, donc de la culture, on va dire, japonaise et gaming, game des sports. Donc c'était un simple constat, après cette magnifique journée passée à Metz Story, on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur Metz, c'est un secteur qui bouge, on voit qu'il y a vraiment de la demande, et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de se lancer. Donc du coup c'est vraiment comme ça. D'accord, et on va retrouver quoi dans ce bar? Donc c'est un bar e-sport, donc je suppose qu'il y aura un partie consommation, partie jeu. Comment ça va se goupiller à l'intérieur? C'est exactement ça, je vais vous raconter un peu en détail. Donc du coup, on aura vraiment cette partie donc bar traditionnel, donc on pourra consommer des cocktails, mais aussi des choses un peu plus sympas, comme par exemple des bubble tea ou encore des milkshakes. On aura aussi une petite partie restauration, où on pourra manger des hamburgers, des paninis, des plateaux à partager avec les amis. Et donc voilà, donc suite à ça, on peut également jouer à des jeux de plateau, on peut jouer à plein de choses, on aura des consoles, on aura des PC. Voilà, vraiment, l'esprit c'est vraiment faire venir un groupe d'amis et les faire divertir et passer une belle soirée tous ensemble. D'accord. Jérémy? Alors moi c'était justement par rapport aux jeux de plateau, parce que là t'es resté assez général, et enfin du moins les jeux de PC aussi et consoles. Est-ce que t'aurais des jeux spécifiques que tu pourrais nommer, que vous allez avoir dans le bar? Là, malheureusement, encore non, car on est en pleine discussion avec notre fournisseur pour voir un peu les attentes du public. Et surtout, on aime beaucoup, comment dire, on aime beaucoup sonder notre communauté sur Facebook, surtout, pour voir ce qui ressort le plus. Du coup, c'est ça ce qu'on va faire avant ouverture. Et on veut vraiment fournir le matériel qui est demandé. On n'a pas envie de mettre à disposition des choses qui ne serviront à rien, finalement. D'accord. Donc là, malheureusement, je ne peux pas vous le dire. D'accord, ok. Bah, écoute, on verra de toute façon bien ouais, assez tôt. Et sinon, j'avais une petite question. A priori, donc Constance, pour ne pas la nommer, est relativement fan de cosplay, de ce qu'on a vu. Est-ce que vous avez prévu, justement, des manifestations qui vont un peu dans le sens là, des concours de cosplay, puisque ça se fait dans les manifestations de gaming en général? Oui, absolument. On aura aussi on aura nos soirées qui seront vraiment hebdomadaires. Donc on aura des soirées qui, on pourra faire des tournois par exemple d'e-sport, mais on pourra très bien aussi organiser un petit tournoi cosplay, pourquoi pas. Donc c'est des choses vraiment, ça sera en fonction de la demande du public, comme d'habitude. Hein. Ah, ça a l'air très participatif, hein, le principe, voilà, t'es basé, en gros vous avez une communauté, alors il y a ceux qui ont participé au crowdfunding, qui sont un peu des interlocuteurs pour vous deux, pour les jeux par exemple, ce sera sur les attentes du public, quoi, c'est-à-dire que on vient pour jouer, mais on vient aussi pour retrouver une communauté, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment ça. D'ailleurs, là, je n'ai pas suivi notre page Facebook récemment. On a fondé un petit groupe Facebook qui s'appelle Level Up, la Guild. Donc, c'est un comité réduit. On a déjà 200 membres. Donc, c'est très bien. Il y a une bonne entente. Voilà, c'est un groupe qui est fait tout d'abord pour discuter, pour se rencontrer on va dire, les premiers clients de Level Up, pour faire déjà une communauté. Et surtout aussi, on va poster beaucoup de sondages, on va demander aux personnes leur avis, et on va vraiment construire Level Up tout le monde, en fait. On veut vraiment enlever cette image que, voilà, moi et Constance, on construit tout. Non, on veut vraiment construire Level Up avec notre communauté. D'accord. Alors, vu que c'est la partie débat, on va juste en débattre rapidement. Justement, sur ces bars e-sport, on sait qu'il y a une... alors, Jérémy, tu connais un peu plus que moi. Mm-hmm. Il y a une franchise qui existe, c'est ça, déjà? Oui, j'imagine que, du coup, Kevin, tu connais la franchise Meltdown. Oui, absolument. Oui. Qui est donc, entre autres, à Strasbourg, pour la plus proche. Et ma question, c'était un petit peu... pourquoi ne pas avoir directement pris une franchise Meltdown Parce que tu voulais vraiment avoir ta boîte à toi, c'est ça? C'est une très très bonne question qui tombe très souvent, on me le demande énormément, c'est la question que je pose le plus. Mais c'est vrai que la franchise Meltdown peut être attirante, je comprends, c'est déjà une marque qui a sa connaissance, sa renommée. Mais en effet, oui, moi et Constance, on voulait vraiment faire notre concept, on voulait vraiment montrer aux personnes un concept différent. Vraiment, on voulait mettre en jeu nos idées, on voulait voir comment les personnes allaient réagir à ça. Et ça réagit plutôt bien, on est vraiment contents. Et voilà, maintenant que c'est lancé, on va continuer là-dessus. Ok, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez, Ben? Bar e-sport à Metz, bonne nouvelle? Oh non. Si, bien sûr. Tu peux dire ce que tu veux. C'est quelque chose qui n'existait pas déjà, et puis qui n'existe même pas en Lorraine, a priori, quoi. Pas encore. Alors, on avait des boutiques de jeux de plateau, par exemple, sur le même principe, qui réunissent des communautés et qui marchent très bien. Exact. Donc je pense que déjà ça peut marcher, ça peut se pérenniser, parce qu'il faut de ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que Kevin, vous allez vous lancer, il faudra vraiment qu'il y ait du soutien des clients derrière pour que ça marche, et puis je pense que le concept est sympa, et puis assez malin, ça peut. Oui, puis comme tu disais, surtout dans ce secteur-là, au Solcy, moi je me rappelle, il y a 15 ans, il y a eu un bar à connexion internet, le premier cybercafé. Ouais. Ensuite, il y a 10 ans, il y a eu un bar à livres. Il y a 6-7 ans, il y a eu un bar à jeux de société. Il y avait le Tribes qui était dans le coin. Voilà, c'est un endroit où il y a les étudiants qui sont à côté. C'est un bon emplacement. Ça suit un petit peu les tendances, en plus. T'as Faber qui est pas loin, le lycée, t'as le lycée de Cormontaigne et tout. Donc, Jérôme? Moi, en fait, effectivement, étant, moi, on va dire, gros joueur et assez fan d'e-sport, je sais qu'il y a une communauté clairement sur Metz, puisqu'il y a de l'attente en général avec, je parlais de streamers que certains connaîtront peut-être, donc qui sont Mamie Twings et Caria, Best Marmotte, qui sont de Metz même, et qui drainent clairement du monde. La dernière fois, ils ont fait une soirée au bar de la Comédie, et c'était clairement blindé de monde. Donc, ce genre de manif, oui, ça va, il y a très forte chance que ça se passe bien, clairement. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Kevin, moi je suis pas du tout fan de e-sport. Pourtant, hein, je regarde beaucoup de vidéos, mais c'est plus des vidéos, par exemple, de gestion, City Skyline, tout ça, c'est où il y a beaucoup de roleplay. J'ai du mal à comprendre les gens qui regardent des gens jouer, en fait. Si je viens dans ton café, je peux aussi juste boire un coup et je suis pas obligé de jouer. Non. Oui, absolument. Alors, en fait, notre café, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc voilà, tu peux boire un coup, tu peux jouer, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Mais l'idée, c'est vraiment, on va pas que retransmettre de l'e-sport, hein, aussi. On va essayer aussi de retransmettre, par exemple, on va faire des soirées séries. Donc on peut, par exemple, se mater, j'ai parlé du dernier épisode de Game of Thrones tous ensemble. On peut aussi faire des visionnages de films cultes comme Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va façonner aussi avec la communauté. C'est, voilà, c'est un bar e-sport, mais comme je dis toujours, c'est un bar e-sport et fantasy. Faut pas oublier le côté fantasy, parce que c'est vraiment un côté qu'on veut aussi mettre en valeur. Ouais, c'est un bar geek, quoi, c'est ça. En gros. C'est un bar geek, en gros, c'est ça. Le côté e-sport, il est vrai qu'il prédomine un peu, mais il y a tout le côté geek à côté, absolument. Ok, alors on le rappelle, ce sera où? Ça ouvre quand? Alors, ça ouvre quand? Ça va ouvrir, si tout va bien, donc courant octobre, au plus tard novembre, donc espérons que tout se passe bien. Mais en tout cas, il va ouvrir, il n'y a pas de souci. Et ce sera donc dans le coin du Solci. Là, je ne peux encore pas vous révéler malheureusement la formation, l'adresse exacte. Okay. Mais ça va tomber sur Facebook d'ici quelques jours. Ne vous inquiétez pas. D'accord. La page Facebook pour suivre les activités? Oui, absolument. Bah, très simplement, vous pouvez faire @levelupmess et vous trouvez immédiatement la page Facebook. Sur Twitter, c'est la même chose. Et si vous tapez levelupmess sur Google, vous tombez sur tout, sur le site web, sur la page Facebook, sur le crowdfunding et sur le Twitter. Parfait. Merci, Kevin. Donc, on le rappelle, tu vas ouvrir avec ta copine Constance le bar levelupmess. Donc, on essaiera de suivre ça. Bon courage à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous aussi. Merci de m'avoir invité. Et on se verra sûrement là-bas. On passera te voir. Exactement. On fera peut-être même un direct de là-bas. D'accord. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bisous. Salut. Bisous. Au revoir. Et donc, à noter également, juste pour continuer là-dessus, qu'à Frémin, il y a une école e-sport qui va ouvrir. Hein, c'est un peu comme sport-études. Ce sera une formation professionnalisante pour les gamers. Et c'est la 4e ville de France à le faire. Donc, comme quoi, hein, vraiment, l'e-sport, ça commence à vraiment marcher partout. Mmh. Ce sera pas que pour jouer. Hein, on formera aussi des community managers ou des blogueurs ou des choses comme ça. Avec les très attendus cours de manette. Il y aura des cours de manette. Il y aura un internat obligatoire pour faire partie de la communauté. Ça fait peu flipper. Et il y aura un loft géant pour travailler avec des petits. Ce sera filmé, on pourra les regarder vivre et tout. Je sais pas, mais ce sera à Frémin. Ça s'appelle une gaming house. Mais ça vient de commencer avec en fait. Tout le chômage qu'il y a en même temps. BLE. Radio. On se retrouve donc la semaine prochaine. N'hésitez pas à continuer à nous contacter. Comment j'ai été coupé, quoi? Ben oui, ben parce qu'il est 12h33 et qu'on a fini. Hein. Hashtag GTFM, hashtag BLE Radio pour nous interpeller également. Les pages Facebook BLE Radio officielle ou GameTrip.net. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine en compagnie des invités si y en aura. On ne sait pas encore. Parce qu'on va parler de jeux vidéo au cinéma. On verra si on arrive à avoir des gens qui veulent parler avec nous de ça. Peut-être Steven s'il est chaud, ouais. On verra. En attendant, Et Spielberg, oui. Pas Steven Seagal. En attendant, on se retrouve en podcast sur GameTrip.net la semaine prochaine et en rediffusion mardi soir 19h30 sur BLE Radio, www.bleradio.fr. Merci à vous, merci à notre invité Kevin d'avoir été là et merci à vous Ben. Mais de rien. Et je vous en prie. Serviteur. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Salut.